Exercice 1. Je t'aime et tu m'aimes. 1. Nous vous attendons et vous nous attendez. 2. Ils nous invitent et nous les invitons. 3. Ils vous détestent et vous le détestez. 4. Elle me critique et je la critique. 5. Tu l'écoutes et elle t'écoute. 6. Elle vous oublie et vous l'oubliez.